Bonjour à tous. Vous allez bien? Avec un beau temps, 31 degrés. Ouais, ils ont annoncé. Ouais, 31. Non, ça ira, je pense, ça ira. Non. On sent vraiment qu'il faudrait aller à la plage. Ça me fait penser à la plage. Parce que je viens de l'île de Saint-Martin, ça me fait penser à la plage. Ça saute une étape, ça a l'air. Je vais juste, c'est ça, vous présenter Samuel. J'ai pas ton nom de famille. Augustin. Ah, ben, j'étais pour le dire. Donc, Samuel travaille à Entrado aux enfants. Non, ça s'appelle les enfants de l'espoir, ça s'appelle. Carrefour par enfant. Faut que je me change de cassette. Et ça, puis il travaille à Entrado depuis un an. Deux ans. Ah, ouais, ça va vite. Ouais. Fait que ce matin, Samuel, on va vous parler de justement du projet Entrado parce que l'Église soutient ce ministère-là. Puis il va nous amener le partage ce matin aussi. D'accord. Merci, Lynn. Je te remercie. Je remercie l'Église de m'accueillir ici et je me sens comme faisant partie de la famille. Mais oui, n'est-ce pas, Denise? Et ça me fait plaisir toujours de voir Florence, Joanne, tout le monde, ce que je côtoie. Et merci déjà, merci aussi à Sandy, à Glenn, parce que je suis équipier de direction chrétienne, faisant partie d'une équipe chrétienne et d'une équipe chrétienne, et que c'est ça qui fait vraiment toute la différence. On travaille au Carrefour par enfant, mais nous travaillons dans un milieu où, lorsqu'on parle de chrétiens, lorsqu'on parle d'église, de foi, tout ça, il faut aller avec prudence. Mais nous voyons de plus en plus que l'homme, la femme, les gens ont soif de Dieu, ont soif d'une présence. Ils ont besoin de paix. Et que en partageant notre foi, en partageant notre croyance, que on voit que les gens, c'est pas ce qu'ils avaient compris de l'Église, de Dieu, etc. Donc, c'est une belle expérience. Cette année encore, ça a été riche en émotions. Vous savez, lorsqu'on travaille avec les ados, une journée n'est jamais pareille que l'autre. Et c'est vraiment une belle expérience cette année parce que ça a été vraiment... il fallait aller jusqu'au bout dans des projets, dans des situations. On a rencontré des jeunes difficiles, des cas très difficiles, très durs. Mais Dieu nous fait grâce de pouvoir trouver les moyens de pouvoir les accompagner. Par la prière, c'est sûr que nous savons que notre victoire, comment nous allons pouvoir aider l'autre, c'est avec l'aide de Dieu, premièrement. Et nous avons aussi d'autres ressources qui sont là. Donc, nous bénissons Dieu de tout le travail qui est fait. Je veux peut-être parler d'Entrado dans le sens que c'est vraiment un programme qui est là pour aider les jeunes, 12-17 ans. Nous travaillons avec les adolescents qui sont scolarisés à l'école et qui viennent après des heures d'école, des heures régulières. Ils viennent dans notre programme et trouvent des éducateurs, des bénévoles, des stagiaires qui offrent de leur temps. Cette année encore, on avait une dizaine de stagiaires, de bénévoles qui viennent du cégep, qui viennent de l'université. Et encore, je bénis Dieu parce qu'ils ont été fidèles. Ils ont, chaque fois qu'ils viennent, eux-mêmes, ils disent que ça leur fait plaisir d'aider les autres, ça leur fait plaisir d'aider ces jeunes. Donc, c'est vraiment pas une contrainte chaque fois qu'ils viennent. Et même au niveau de tous les autres intervenants du Carrefour par enfant qui me disent constamment, mais Samuel, pourquoi t'as autant de bénévoles? Comment toi t'arrives à avoir autant de bénévoles, autant d'aide, tout ça? Je dis, mais je fais les démarches, mais aussi dans un sens que Dieu aussi pourvoit. Dieu aussi sait que ces jeunes-là en ont besoin. Et ça fait toute la différence lorsqu'il y a un mentorat où le jeune aussi peut avoir une interaction avec un autre. Souvent, ces stagiaires, ces bénévoles n'ont pas une grande différence d'âge, donc ils comprennent ce qu'ils ont vécu, donc ils peuvent se confier. Et lorsque un stagiaire n'est pas là, tout de suite, il y a des jeunes qui disent, mais où il est? Maxime n'est pas là, mais pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive? Donc, on sent vraiment qu'il y a un attachement. Autant qu'ils peuvent aussi dire, ah, tu m'embêtes, tu m'entends, etc. Mais lorsqu'ils ne sont pas là, tout de suite, on voit qu'il y a un manque. Donc, ces jeunes-là ont besoin d'être accompagnés. On remarque que la première démarche, avant même qu'on dit il y a difficulté scolaire, pauvreté, etc., ce que moi j'ai remarqué, c'est vraiment une écoute, l'oreille, une oreille. Souvent, à la maison, ils n'ont pas ça, ou bien les parents aussi sont dans une situation critique, vulnérable. Donc, arrivés dans le centre, ils sont capables de trouver des ressources, des personnes, des moyens pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir les aider. Juste encore ce témoignage de la semaine dernière, il y a une des jeunes filles qui arrive tout ça, elle parle, mais de plus en plus, elle s'exprime, elle exprime sa position, son opinion, mais au départ, elle était souvent réservée, mais là, elle s'exprime bien, etc. Et il y a un autre jeune qui dit, mais dis donc toi, tu parles bien, etc., mais je te vois à l'école, tu es refermé, tu es toujours ta tête baissée, et là, tu t'exprimes bien, tout ça. Donc, on remarque qu'il y a une différence, c'est qu'ils arrivent à avoir un lieu d'appartenance, un lieu d'expression, un lieu où ils ne se sentent pas jugés. Donc, c'est là vraiment tout le défi de ce travail-là. On a aussi mis en place plusieurs ateliers, ateliers d'art, ateliers de cuisine ou de nutrition qu'on fait avec eux. Cette année encore, troisième atelier, c'est l'atelier, entre guillemets, d'éducation financière. C'est un peu leur faire comprendre que la valeur de l'argent, OK, souvent, ils voient 5 dollars, pour eux, c'est rien, ils dépensent, etc. Mais leur comprendre, 1 dollar, c'est 1 dollar. 1 dollar, ça se monnaie. 1 dollar, c'est si tu économises, ça peut te donner plus, etc. Donc, leur inculquer ça. Et cette année, c'est Joy qui était responsable de ce volet-là. Encore une fois, il y en a sept jeunes qui se sont engagés dans ce programme-là. L'année dernière, il y en avait 5. Ils ont commencé à une dizaine, mais c'est 7 qui ont vraiment terminé ce projet-là. Ils ont eu plusieurs ateliers, par exemple, de personnalité, de connaître, mieux se connaître. Et ils ont aimé ça, ils ont aimé de se découvrir. Il y en a qui ont dit, ah ouais, mais c'est vrai, ça correspond à moi en tant qu'une personnalité artistique, d'autres une personnalité plus réaliste, c'est-à-dire qu'ils voient les choses vraiment, OK, 1 et 1 égale 2, et il n'y a pas de possibilité de fructifier, il n'y a pas de possibilité. Donc, mieux se connaître veut dire mieux s'apprécier, mieux aussi tolérer les erreurs de l'autre ou tolérer la présence de l'autre. Donc, ils ont aimé ça. Il y a eu aussi l'atelier de travail en équipe. Comment travailler en équipe? Ils ont fait un petit projet je prends le cadre de cet œuf qu'ils avaient, et ils devaient trouver les moyens de pouvoir protéger cet œuf-là pour que ça puisse pas, pour que s'ils jettent l'œuf, ça puisse pas éclater. Donc, ça a été tellement intéressant de les voir travailler dessus, sur ce projet-là. Juste quelque chose de rien, mais qui les a amenés à donner chacun leur opinion, des petits groupes de 3 qu'ils faisaient, et trouver les moyens de pouvoir s'entendre sur un moyen pour résoudre une situation comme ça. Et ça a été génial. C'est un groupe qui a réussi, mais nous voyons combien juste des mises en situation, d'un soutien dans leurs difficultés leur permettent de s'apprécier à juste titre. Ils ont eu aussi l'atelier de rédaction de CV, tout ça, qu'ils ont aimé. Rédaction de CV, ça, c'est avec Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est tout ça qu'on leur propose. Cette année aussi, nous avons eu aussi la chance d'avoir un partenaire. Comme nous avons plusieurs partenaires, je peux les citer aussi. Le Carrefour Jeunesse Emploi Pitrène, qui nous aide pour ce volet-là, qui nous donne une intervenante en sensibilisation à l'entrepreneuriat. Cette intervenante travaille dans les écoles, mais elle vient aussi une fois par mois nous présenter, nous parler aux jeunes de l'éducation financière, l'épargne, etc., en lien aussi avec la Caisse des Jardins. Donc, c'est vraiment intéressant pour ces jeunes et ce partenariat gratuitement qu'on ne paye pas, qu'elle vient régulièrement. Elle dit qu'elle apprécie vraiment notre groupe parce qu'à l'école, c'est une autre façon de présenter, de parler les choses, mais dans un groupe comme ça, c'est plus libre, tout ça. Nous avons aussi, cette année, la chance d'avoir Absolu Théâtre. Ce sont deux comédiens qui ont des contacts avec Radio-Canada. Ils sont venus m'apporter le projet de Ado Blog, donc c'était Vue d'Ado, comment les jeunes pouvaient créer un blog pour parler de tout ce qui concerne l'art, donc qui concerne aussi le métier de comédien, de métier d'acteur, etc., la scène, tout ça. Donc, tout ce qui se trouve, par exemple, un perruquier, qu'est-ce qu'il fait, un éclairagiste, etc. Donc, aller découvrir ce monde-là. Donc, ça a été vraiment intéressant de pouvoir que ces jeunes-là, de découvrir surtout le talent qu'ils avaient. Il y en a qui ne savaient pas qu'ils avaient un talent de photographe, tout ça. Et qu'à ce moment-là, Radio-Canada leur avait donné 7 appareils photo, tout ça, pour pouvoir faire des prises de photos, etc. Donc, ça a été vraiment une année exceptionnelle, je dirais. Merci, Seigneur, merci pour tous les soutiens dans la prière, parce que les jeunes ont aimé ça. Les jeunes sont allés à Radio-Canada, sont allés dans les différents théâtres qui sont à Montréal, etc. Je ne peux même pas les citer, au moins 7 théâtres qu'ils ont parcouru, tout ça. La Licorne, etc. Donc, super, les jeunes ont rencontré des acteurs, des metteurs en scène, des comédiens, parler avec eux et discuter de pourquoi ils font ce métier-là. Donc, eux aussi, ils se sont dit, ah ouais, mais ça m'intéresse tel domaine, l'autre, ça m'intéresse. Donc, susciter en eux un intérêt. Comme nous remarquons et comme nous avons remarqué aussi, que le jeune a besoin d'un rêve. Le rêve, ce n'est pas nous qui allons le donner, communiquer, mais c'est lui, c'est en lui. C'est ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, c'est le talent qu'il a en lui. Donc, c'est plutôt le faire découvrir, le faire l'emmener et cheminer avec lui pour qu'il puisse découvrir ses intérêts. Donc, c'est tout ce qu'on a pu faire cette année, et on bénit Dieu de tout ce qui se fait et met en place. Nous avons cette année encore, avec Direction chrétienne, le camp d'été, donc le camp sonore encore. Donc, ce sera vraiment... encore un projet spécial qu'on fera avec les jeunes. Je veux juste dire quelques mots, comme ça vous allez être au courant. Ce sera la création, ils feront un projet de création d'un ukulélé. Donc, ces jeunes-là, nous avons trouvé un partenaire qui puisse déjà nous prédécouper tous les morceaux, etc. Donc, ils auront qu'à assembler, faire l'assemblage, etc., tout ça. Donc, eux-mêmes, ce sera vraiment quelque chose qui va développer en eux l'estime de soi, parce qu'ils vont eux-mêmes fabriquer leur propre instrument de musique. Donc, c'est ça l'objectif, et que on pense que vraiment ça va être une réussite cette année. Je ne devais pas le dire parce que Florence fait partie du groupe, mais elle sera, au moins elle est au courant des différents projets qui est fait, et qu'on bénit Dieu qu'on puisse faire le camp encore à l'église de Wadewa, et que merci Seigneur qui nous permet d'avoir cette opportunité, parce que bien que les parents, certains parents me demandent, est-ce que c'est à Cotonas où il y aura des moments de prêche ou moments de trucs, mais on leur explique, c'est vraiment nous, c'est les valeurs chrétiennes, on a les valeurs chrétiennes, nous on veut qu'il y ait le respect de soi, le partage avec l'autre, tout ça, et accepter l'autre. C'est dans cette optique-là. Donc, merci déjà pour votre soutien, votre appui.